Dernier éditorial, prononcé le 27 juin 1944. Citoyen Julien Le Sage récidive. Sans doute est-il si heureux de la réclame que j'ai pu lui faire. Il la soigne de son mieux et me sollicite en redoublant d'injures de la lui continuer. Je ne saurais dire à quel point sa triste prose me consterne. Je voudrais rester insensible à tant de mauvaise foi, à tant de méprisables diffamations, à tant de basses excitations. Que Julien Le Sage soit heureux, je n'y parviens point. Ça ne veut pas dire que je m'étrangle, comme il m'en accuse. Quand Le Sage répète que mes auditoires sont squelettiques, on pense bien que mon amour propre ne se sent pas blessé. Mais si je demande aux Français de France, et non aux fuyards de l'espèce Le Sage, de dire ce qu'ils ont vu, c'est parce que je tiens à la vérité. Ce que Le Sage veut faire croire à ses patrons, c'est que la France est avec lui. Que dirait-on si l'on savait que la France, au contraire, lasse des crimes de la résistance et des bombardements anglo-saxons, acclame en des manifestations où des milliers de Français sont rassemblés la politique du maréchal et de son gouvernement. Alors le citoyen Le Sage déclare, il y a Dieu merci, encore quelques Français qui ont échappé aux dénonciations de Philippe Henriot, qui peuvent témoigner qu'il vit dans la terreur du ressentiment des patriotes sous la protection des policiers de Vichy et de l'armée allemande. Tenez Le Sage, j'ai tort de vous prendre au sérieux, vous êtes un grotesque. Puisque vous avez tant d'informateurs, peut-être qu'en cherchant bien, vous en trouveriez sur le nombre au moins un qui soit honnête. Il manque certainement ni à Vichy ni à Paris de gens qui ne sont plus à vendre parce qu'ils sont vendus depuis longtemps. Mais même si ceux-là vous ont dit que je vivais dans la terreur, c'est vraiment qu'ils vous volent votre argent. Quant aux dénonciations, grâce à Dieu, je pense que je mourrai avant d'avoir dénoncé un seul Français. Et si vous pouviez fouiller mon courrier, vous y trouveriez plus de lettres pour me demander d'intervenir pour une libération ou pour un acquittement, que de lettres pour me reprocher d'avoir jamais livré le nom d'un seul Français. Vous, Le Sage, vous n'avez pas d'importance, mais en vous répondant, je fais appel à certains de vos amis. Combien parmi ceux qui m'ont injurié et me combattent m'écrivent pour demander mon intervention en faveur de tel ou tel de leurs proches que je ne connais même pas. C'est que, voyez-vous, Le Sage, c'est votre dérobade de lâche. Dès que je vous demande une preuve dont je me moque personnellement éperdument, mais dont les gens qui vous entendent se demandent quelquefois si elle existe, vous fuyez. Ce qui semble chez vous une habitude. Et avec une bassesse ignoble, vous répondez à votre manière à ma question. Le ministre de Goebbels, dites-vous, me demande, mais d'où tenez-vous donc ce que je suis dans le privé? Comme je comprends sa double curiosité de policier et de criminel confondu. Je lui répondrai sans lui permettre d'envoyer personne en prison et à la mort. Henriot sait bien où et quand, dans quelle ville et dans quelle occasion il a dit que les Allemands étaient battus. Qu'ayant joué la mauvaise carte, mis Henriot la jouait jusqu'au bout. La chaleur communicative des dîners rend Henriot loquace. Quelle pitoyable façon de répondre, Le Sage. Vous êtes pourtant à l'abri, dites la ville, dites les convives, dites où et quand l'on m'a entendu. Vous osez ajouter Philippe Henriot qui dispose de toutes les richesses depuis que Goebbels l'a embauché. Je ne connais rien de plus vil, de plus abject que votre métier. Et maintenant, j'ai compris. J'ai demandé qui vous étiez. Vous répondez, je vais satisfaire votre curiosité, un Français qui ressemble à tous ses compatriotes. Votre réponse me suffit. Le Sage, c'est un pseudonyme. Et si ce pseudonyme cachait un Français, j'en serais bien surpris. Vous osez dire que je suis un agent de l'Allemagne. C'est que pour vous, n'être pas à la solde des envahisseurs, c'est être un agent de l'Allemagne. Ne pas défendre les Juifs. Demander à être libéré des francs-maçons, c'est être un agent de l'Allemagne. Ne pas vouloir pour la France de la domination bolchevique, c'est être un agent de l'Allemagne. Défendre et servir l'intérêt français dans toutes les conjonctures, c'est être un agent de l'Allemagne. Ne pas offrir ses hommages au roi Georges VI, c'est être un agent de l'Allemagne. Se dresser contre les gens du maquis, pillards de fermes, assassins d'enfants, ravisseurs de femmes et assassins à 20 contre 1, c'est être un agent de l'Allemagne. Agent de l'Allemagne, délateur de Français, complice de la Gestapo, si avec cela vous n'avez assassiné personne, c'est que vous êtes trop lâche pour faire le travail vous-même et que vous le faites faire. Écoutez-moi bien, Le Sage. Pendant des mois, vos complices à la radio judéo-communiste ont donné des listes de gens à abattre. méthode juive, s'il en fut, et où excellait l'immonde Pierre Dac. Vous avez désigné ainsi à la mitraillette de vos agents des fonctionnaires, des gendarmes, des magistrats, de simples artisans, des employés, des médecins, des officiers, des miliciens, des bourgeois, des prêtres, des femmes. Vous avez désolé des familles, brisé des foyers, accumulé les deuils, provoqué les attentats. Parfois, une sorte de sombre désespoir nous prenait devant tant de lâchetés commises par des gens qui n'auraient jamais osé agir eux-mêmes, et de mauvaises pensées nous traversaient. Nous pouvions, nous aussi, donner des listes de gens qui seraient condamnés si vous touchiez à nos enfants, à nos femmes, à nos amis. Nous avons reculé devant ce procédé qui risquait de livrer ses têtes à d'autres vengeances. Nous n'avons pas voulu que cette menace pût avoir l'air d'une dénonciation. Et nous avons pensé qu'un jour viendrait bien où l'honnêteté ressaisirait un peuple intoxiqué. Nous avons assisté au pire forfait. Nous avons vu commettre par vos patriotes tant de crimes que nous ne pouvons plus choisir entre eux ce qu'il faudrait révéler à ceux qui doutent encore de votre criminelle et sordide infamie. Tremblez devant vous, mais vous savez bien que si nous tremblions, nous nous tairions. Et si nous nous taisions, les pierres crieraient. Elles crieraient de colère et d'indignation devant notre avilissement. Tuez soit, mais n'essayez pas d'insulter vos victimes. Ça encore, c'est tellement juif que là aussi vous vous trahissez le sard. Vos complots, vos entreprises, vos fureurs, quel aveu de votre impunité vont vaincre. Vous déclarez que l'Allemagne est épuisée et qu'elle agonise. Et malgré ça, il vous faut encore le sang de pauvres diables qui ne sont rien que des Français moyens, remplissant simplement leurs tâches quotidiennes. Un chef de gare, un retraité, un facteur des postes. Vous dites, ce sont des traîtres. Soyez sérieux, le sage. Ce sont des adversaires politiques d'hier, et c'est tout. Vos exécutions, ce sont celles de gens qui furent autrefois inscrits à des partis politiques que depuis longtemps les communistes ou les francs-maçons ont condamnés. Nous retrouvons dans votre prétendue armée de la résistance tous les individus qui vivaient de la République et de la démocratie, entourés de quelques patriotes à la Kirillis et de quelques-uns de ces poltrons de droite qui mouraient d'envie de faire croire qu'ils étaient de gauche. Et c'est sur leurs adversaires que des haines de clochers, des vengeances de village, des rancunes de partis s'abattent. Aujourd'hui que vous avez remplacé le bulletin de vote par la mitraillette, et vous avez l'avantage de rencontrer souvent des gens sans armes devant vous. Justement, il y a quelques instants, je viens d'apprendre encore un de vos crimes. Banal, assurément, maintenant que nous sommes habitués à vos procédés, mais atroces, cependant. Voyez heureux, le sage, c'était un de mes amis. Déjà un vieillard. Il vivait avec sa sœur dans un petit chef-lieu de canton du Gers. Je connaissais sa demeure modeste, où il y a quelques mois, je m'étais arrêté à l'issue d'une de ses conférences aux auditoires scolastiques, où je ne parais qu'entouré de policiers français et allemands. Vos patriotes l'ont attaqué dans la nuit du 7 au 8, dans toute l'ivresse que leur causait l'annonce du débarquement et la certitude de l'arrivée imminente des libérateurs. Ils s'est défendu ayant des grenades et ils les a tenus en respect. Ils n'ont pas osé approcher de la maison jusqu'au dimanche, mais ils n'avaient plus d'armes et comme ils les intimidaient encore, ils lui demandèrent de se rendre. Il répondit, vous m'aurez peut-être mort, vous ne m'aurez pas vivant. Alors ils ont fait sauter la maison dimanche. Et sa sœur et lui ont été tués dans l'explosion. C'est ça pour vous le patriotisme, c'est ça le courage, c'est ça le service de la France. Et vous me dites, vous êtes un traître, je n'ai plus le courage d'échanger avec vous des épithètes, le sage. Je m'en veux de vous avoir consacré ces quelques minutes. Vous les devez au souvenir de l'ami que vous venez de me tuer après tant d'autres. Un modeste, un simple, qui n'avait commis d'autre crime que d'avoir dans sa demeure le portrait du maréchal, et non celui de M. de Gaulle ou M. Marty. C'est lui qui m'a poussé à m'adresser, encore une fois, à travers vous, à vos complices et à vos exécuteurs. Ça ne m'arrivera plus. Injuriez donc, couvrez-moi de ce que vous appelez vos outrages. Je ne répondrai plus. S'il y a du sang entre nous, c'est vous qui l'avez versé. On ne discute ni avec les diffamateurs, ni avec les meurtriers. Je vous ai fait trop d'honneur. Je ne peux pas vous haïr, puisque je ne haïrai qu'un nom que vous avez sans doute volé. Mais je vous méprise trop pour avoir encore quelque chose à vous dire. Ces paroles sont les dernières que prononcera Philippe Henriot. Le lendemain matin, il sera abattu sous les yeux de sa femme dans l'appartement qu'il occupe au ministère de l'Information. Quelques jours plus tard, les obsèques nationales se déroulent à l'hôtel de ville, puis à la cathédrale Notre-Dame de Paris.